إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours, c'est le cours 64 dans le livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire le résumé du Sharh du Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et donc on est arrivé au chapitre yani, où on parle de, comme le titre s'intitule, Babun ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça parle en fait des serments, du fait de faire des serments et de prendre des engagements et des ententes. Et c'est le fait de yani, mentionner qu'est-ce qui a été rapporté sur yani, le fait de respecter les ententes qu'on prend yani, et que ça implique un respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on prend ces ententes-là au nom d'Allah. Et c'est les engagements d'Allah et les engagements de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on arrive maintenant à la lecture du hadith qui est mentionné. C'est le premier hadith qui est mentionné et c'est le seul hadith en fait dans ce chapitre, mais il est assez long et il est très important ce hadith là. Il y a beaucoup de choses importantes mentionnées dedans. Donc on va le lire ensemble puis on va le traduire ensemble inshallah. الشيخ الذي الذي عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. Donc on va traduire cette première partie. il dit, c'est rapporté selon Bouraïda, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mettait quelqu'un comme amir, comme chef, sur une armée ou sur un régiment, il lui enjoignait de craindre Allah et de faire preuve de piété, ainsi qu'à ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans. Et il lui disait, partez hein, au combat au nom d'Allah et dans le chemin d'Allah, et combattez celui qui a mécru en Allah. Partez au combat et ne faites pas de yani al-ghalou al-ghul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire yani, comment on va l'expliquer après, de voler du butin. Voilà tarullu, c'est-à-dire ne volez pas du butin. Voilà tardiru, ne faites pas de trahison. Voilà tumassilu, c'est-à-dire yani, comme de, on dit mutiler les corps des morts, hein, leur couper des parties. Voilà taqtulu walidan, et ne tuez pas d'enfants. Ne tuez pas d'enfants ou d'esclaves. Wa idha laqita aduwaka min al-mushrikin, si tu rencontres ton ennemi, et lorsque tu rencontres ton ennemi parmi les mushrikin, invite-le à trois choses. Hein? Et peu importe laquelle il réponde, peu importe à laquelle des trois il réponde, alors accepte d'eux et cesse de les combattre par la suite. Donc, premièrement, invite-les à l'islam. S'ils acceptent, s'ils répondent à ton appel, alors accepte de leur part. Et invite-les à quitter leur demeure vers la demeure des Muhajirin. Et donne-leur l'information que s'ils le font, eh bien, ils auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les Muhajirin. Et s'ils refusent de quitter leur demeure pour aller vers la demeure des Muhajirin, alors informe-leur dans ce cas-là qu'ils seront considérés comme les bédouins musulmans, et que le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala va être établi sur eux comme sur le reste des musulmans et sur le reste des croyants, mais ils n'auront rien du butin, et ils n'auront rien de qu'est-ce qui vient de qu'est-ce qui est pris de chez les mouchriquins, les koufars qui sont en guerre contre les musulmans, excepté s'ils font le djihad avec les musulmans. Et s'ils refusent, alors demande-leur de payer la jizya, c'est-à-dire de payer d'un prix de capitation qu'ils doivent payer comme punition pour avoir refusé d'accepter l'islam. Et s'ils acceptent de payer la jizya, accepte d'eux et ne les combat plus par la suite. Mais s'ils refusent de payer la jizya, alors demande l'aide d'Allah et combat-les. Ensuite, le hadith dit: وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِسْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. Donc ici, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et lorsque tu assièges des gens qui sont protégés par une forteresse, eh bien, s'ils veulent que tu leur fasses une entente au nom d'Allah et de son messager, alors ne leur donne pas une entente qui est l'entente d'Allah et de son messager, mais donne-leur une entente qui sera ton entente et l'entente de tes compagnons. Parce que si tu brises, parce que si vous brisez votre entente et l'entente de vos compagnons, c'est moins grave que si vous brisez l'entente d'Allah et de son messager. Et lorsque tu assièges des gens qui sont dans une forteresse ou derrière une muraille et qu'ils veulent que tu leur fasses que tu les juges selon le jugement d'Allah, ne les juge pas selon le jugement d'Allah, mais juge-les selon ton jugement, parce que tu ne sais pas si tu vas atteindre le jugement d'Allah ou non à leur sujet. Rawahu Muslim. Donc c'est rapporté par Muslim. Le Cheikh, il explique maintenant les choses qui sont mentionnées dans ce hadith. Il dit Ammara Amiran. Ammara Amiran ayja ala shakhsan Amiran. Donc Ammara yu'ammiru, ça veut dire de choisir quelqu'un pour faire de lui un Amir. C'est-à-dire faire de lui quelqu'un qui va être à la tête et qui va être le chef de l'armée ou du régiment. Ala jayshin ay junudin kathira. Donc, al-jaysh, c'est l'armée, la grande armée au complet. Ou bien une grande armée. Et, c'est-à-dire de nombreux soldats. Et al-sariya, c'est al-qit'atu min al-jaysh takhruju minhu wa taghiru wa tarji'u ilayhi. Donc, c'est une partie de l'armée. Al-sariya, c'est comme un régiment ou une partie de l'armée qui sort, qui va faire qu'est-ce qu'il doit faire et qui revient. Donc c'est pas l'armée au complet, c'est une partie de l'armée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un amir devant l'armée, et aussi parfois quand il y avait un petit régiment qui devait partir faire quelque chose, eh bien il leur mettait un amir pour eux aussi. Wa man ma'ahu min al-mu'minina khayra. من المسلمين خيرا. Donc ومن معه أي بمن معه. C'est-à-dire il incitait ceux qui étaient avec lui. Hein? Il incitait l'amir et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire parmi les musulmans, au bien et à craindre Allah et avoir la piété. خيرا أي أن يفعلوا بهم خيرا. C'est-à-dire il incitait à l'amir de craindre Allah et d'agir de bonne façon envers ses soldats. Hein? Et il disait, le prophète Sansim disait, Urzu. Urzu, c'est le verbe impératif de Al-Ghazwi. Hein? Et Ishra'u fi fi'li Al-Ghazwi. Ça veut dire, partez faire le combat ou la bataille ou yani Al-Ghazwi. Fi sabilillah ay fi ta'atihi wa min ajlihi. C'est-à-dire vous partez au nom d'Allah et vous partez dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans son obéissance et pour Allah. Qatilu man kafara billah ay li ajli kufrihim wa khassa minhu man la yajuzu qatluhu min al-kuffar kan nisa wa man lahu ahdun ila akhirih. Donc il a dit: combattez celui qui a mécru en Allah. C'est-à-dire, vous les combattez pour quoi? Pour leur kufr. Vous les combattez pour leur kufr seulement. Hein? Et pas pour leur terre ou leur richesse ou des choses de ce genre. Et il a spécifié en particulier, il a mentionné en particulier les gens qui ne sont pas, qui ne doivent pas être tués parmi les gens, qui ne sont pas des combattants. Et il a mentionné parmi les koufars, par exemple, les femmes et ceux qui ont une entente et les enfants et ainsi de suite. Donc, il y a des catégories de koufars qui ne sont pas des combattants. Ceux-là ne doivent pas être tués. ولا تغلو الغلول ولا تغلو من الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. C'est-à-dire, c'est de prendre du butin avant qu'il ait été distribué par l'amir. ولا تخدرو أي ولا تنقضوا العهد. Donc, ne brisez pas votre entente, ne trahissez pas votre entente. ولا تمثلوا ou bien ولا تمثلوا التمثيل التشويه القتيل بقطع أعضائه. Donc, ça c'est le fait de mutiler quelqu'un lorsqu'il a été tué. Des fois, dans la jahiliya, les gens ils faisaient ça. Quand ils avaient combattu un ennemi, puis qu'ils trouvaient les corps des ennemis par terre, eh bien, ils leur coupaient des membres, ils leur coupaient le nez, ils leur coupaient les oreilles ou bien les bras, des trucs comme ça pour les enlaidir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ça. Et il a dit wala taqtulu walidan as-sabi wal 'abd. Donc c'est-à-dire ne tuez pas d'enfant ni d'esclave. Thalathu khisalin aw khilal. Chacun min ar-rawi wa ma'nahuma wahid. Donc le narrateur il a dit il a mentionné appelle-les à trois khilal ou à trois khisal. Donc le cheikh il dit que ça c'est un doute de la part du narrateur et que les deux mots ont la même signification. Khilal et khisal, ça veut dire la même chose. C'est des caractéristiques. Quatre ou trois éléments ou trois choses. Donc faqbal minhum ay iqbal minhum al-islam wa kuffa anhum al-qital. Donc s'ils acceptent de rentrer dans l'islam, alors accepte de leur part et abstiens-toi par la suite de les combattre. C'est ce que ça signifie. C'est un hadith qui est rapporté par, on n'a pas fini de les mentionner, mais on peut dire en passant que le hadith est rapporté par l'imam Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et il est aussi dans la Musnad de l'imam Ahmad. Donc c'est un hadith authentique et le cheikh il continue à expliquer certains termes comme Dar al-Muhajirin yani al-Madina idhak. Donc Dar al-Muhajirin, la demeure des Muhajirin, c'est ceux qui ont fait la hijra, c'est-à-dire Médine à cette époque-là. Et ma al-Muhajirin falahum ma lil-Muhajirin ay fi istihqaq al-fay wal-ghanima. Donc ils auront les mêmes privilèges que les muhajirines s'ils partent habiter avec eux, c'est-à-dire ils auront droit au butin de la guerre. وَمَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ. Et ils auront des obligations équivalentes à ceux des muhajirines, c'est-à-dire ils vont devoir faire le jihad et lutter avec les autres musulmans. Sinon, s'ils refusent de venir, ils seront comme les bédouins parmi les musulmans. كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو. Donc ceux-là ils ne font pas la hijra et ils ne combattent pas. نعم. فاسألهم الجزية. Donc ils n'ont pas le droit au butin parce qu'ils ne participent pas. Donc ils ne font pas la hijra et ils ne participent pas au combat. فاسألهم الجزية أي اطلب منهم أن يدفعوا الجزية وهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار والذلة لهم واشتقاقها من الجزاء كأنهم جزاء عن القتل. نعم. Donc en fait demande le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans ce cas-là s'ils refusent d'accepter l'islam, et donc dans ce cas-là tu leur demandes de payer la jizya. Et le cheikh il dit que tu leur demandes qu'ils paient la jizya. Et la jizya c'est une somme d'argent qui est prise des kuffars pour les humilier, pour les rabaisser. Et ça vient du mot jaza en arabe. Et c'est comme si c'était en fait une rétribution pour ne pas les avoir tués, comme pour pas les, comme si au lieu de, du fait qu'on les, qu'on va pas les combattre, qu'on va pas les tuer, et donc ils doivent payer quelque chose en compensation. C'est-à-dire, vous voulez pas accepter l'islam, vous voulez rester sur votre fausse religion, d'accord, dans ce cas-là, on va pas vous combattre, sauf que vous devez payer la jizya. Et ça, c'est une punition pour vous humilier et vous rabaisser. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. فَإِنْ أَبَوْ فَإِنْ أَبَوْ C'est-à-dire, s'ils refusent. أي امتنعوا عن الدخول في الإسلام ودفع الجزية. Donc s'ils refusent d'accepter l'islam, puis en plus de ça ils refusent aussi la jizya, de payer la jizya, alors dans ce cas-là, bien entendu, c'est de le prophète صلى الله عليه وسلم dit فاستعن بالله وقاتلهم. C'est-à-dire, cherche l'aide d'Allah et combattez-les. Ensuite il dit وحصرت أهل حصن. الحصن كل مكان محمي محرز وحاصرتهم ضيقت عليهم وأحط بهم. Donc الحصن c'est tout endroit qui a été renforcé ou bien protégé, comme les murailles et les forteresses et ainsi de suite. Et al-muhasara, c'est le fait de faire lorsqu'on assiège une ville ou une forteresse ou quelque chose comme ça, c'est le fait d'assiéger en fait. Et zimmat Allah wa zimmat nabiyhi, az-zimma huna al-ahd. Donc ici dans ce hadith, le terme zimma signifie l'entente ou le pacte ou l'engagement. Et an tukhfiru zimamakum et tanqudu uhudakum. Donc c'est ça, c'est de briser le pacte ou l'entente. Le sens global ou général de ce hadith, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا هذا الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيش والسرايا للقتال في سبيل الله أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى ويأمرهم بالشروع في الغزو مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله وينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل قسمتها وعن تشويه القتلى وقتل من لا يستحق القتل من الولدان. عندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وإما أن يقاتلوهم. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ثم يوصي صلى الله عليه وسلم القواد عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم فيطلب الكفار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه أن لا يجعلوا لهم ذلك، ولكن يجعلوا لهم عهدهم هم. فإن نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم جرما. فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم خشية أن يصيبوا حكم الله تعالى فينسبون إلى خشية أن لا يصيبوا حكم الله تعالى فينسبون إلى الله ما هو خطأ. Donc on va lire la signification de cette partie, le sens, l'explication générale de ce hadith. Le cheikh il dit que ce noble sahabi, Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu, il nous mentionne ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il envoyait les armées et les régiments pour combattre dans le sentier d'Allah. Et c'est comme si il mentionne ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par enjoindre les chefs et les responsables de l'armée de se préserver en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en préservant l'obéissance d'Allah et en restant sur la piété. Et il leur ordonnait également, lorsqu'ils partaient au combat, de demander l'aide d'Allah pour combattre les kuffars et pour éliminer leur kuffr jusqu'à ce que la religion soit toute uniquement pour Allah. Et il leur interdisait de faire preuve de trahison dans les engagements et ou bien de prendre du butin avant que le butin ait été distribué et divisé. Et il leur interdisait également de mutiler le corps des victimes et des morts, et de tuer celui qui ne méritait pas d'être tué, parmi, par exemple, les enfants. Et lorsqu'ils rencontrent leur ennemi, alors ils leur donnent le choix entre trois choses. Premièrement, de rentrer dans l'islam. Deuxièmement, s'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, de donner la jizya. Et troisièmement, s'ils refusent de donner la jizya, c'est-à-dire le combat. Et s'ils acceptent la première chose, c'est-à-dire d'entrer dans l'islam, eh bien, ils auront le choix entre deux choses par la suite. Soit de partir et faire la hijra avec les musulmans. Et non, donc, soit de faire la hijra et d'aller vivre là où sont les musulmans. Et dans ce cas-là, ils auront les mêmes droits que les muhajirines et les mêmes obligations que les muhajirines par rapport à au combat et par rapport au butin, et soit qu'ils restent avec les bédouins parmi les musulmans, et dans ce cas-là ils auront les mêmes droits et les mêmes obligations que les bédouins, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas droit au butin et ils n'auront pas non plus l'obligation de combattre puisqu'ils n'ont pas fait la hijra. Puis ensuite il incite et il enjoint aux chefs de l'armée en leur disant que lorsque ils ont encerclé ou comme on a dit tantôt lorsqu'ils ont encerclé une forteresse ou une ville qui est fortifiée ou bien qu'ils l'ont assiégée, eh bien dans ce cas-là, si les kuffars par la suite, après avoir été assiégés, demandent par exemple que les musulmans leur donnent une entente ou un pacte de paix, eh bien dans ce cas-là, s'ils demandent l'entente d'Allah et de son messager, alors de ne pas leur donner l'entente d'Allah et de son messager. Parce que s'ils brisent l'entente d'Allah et de son messager, c'est beaucoup plus grave comme crime que de briser leur propre entente à eux. Donc le prophète Sansan leur a dit, ne leur donnez pas l'entente d'Allah et de son messager, mais donnez-leur l'entente et le pacte qui est votre pacte à vous. Et s'ils demandent d'être jugés selon le jugement d'Allah, alors jugez-leur selon votre jugement et votre ijtihad, et non pas selon le jugement d'Allah, par crainte que vous faisiez un jugement qui n'est pas le jugement d'Allah, et donc de cette façon vous auriez attribué à Allah une erreur. Donc ça c'est l'explication globale du hadith. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. Donc, le cheikh explique qu'on ne doit il y a dans ce chapitre l'interdiction de donner l'entente ou le pacte d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam aux kuffar par crainte de ne pas les respecter, et si jamais une chose pareille se produisait, c'est-à-dire qu'on ne respectait pas l'entente d'Allah et de son messager, eh bien ce serait un grand crime, un crime très grand, et ça serait en fait comme une brèche dans l'entente qu'on a faite avec Allah subhanahu wa ta'ala, et une diminution de notre tawhid, parce que le tawhid est le nom d'Allah et l'entente d'Allah doit être respectée, sinon c'est quelque chose qui représente une déficience dans le tawhid. Ensuite le cheikh explique, il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer de points bénéfiques dans ce hadith. Le cheikh il a mentionné 15 différents points bénéfiques. Premièrement, mashru'iyyatu ba'th as-saraya wal-juyush lil-jihad fi sabilillah. Donc premièrement, le fait qu'il est légiféré d'envoyer des régiments et des armées pour faire le jihad fi sabilillah. Et ça bien entendu, celui qui envoie ça, c'est le dirigeant du pays, le président. Et non pas n'importe qui se forme un petit groupe ou une petite armée comme les takfiriyins ou les djihadiyins qui pensent faire le djihad alors qu'en réalité ils n'ont pas d'autorité pour faire ça. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو أثار الكفر من الأرض لا لنيل الملك وطلب الدنيا أو نيل الشهوة. Donc le cheikh explique comme deuxième point qu'il ne faut pas que le combat soit uniquement pour élever la parole d'Allah et pour effacer les traces du kufr qui existent sur la terre, et non pas pour obtenir du territoire ou un territoire ou bien quelque chose de la dunya, ou bien pour obtenir des passions, des désirs. Il faut que ce soit uniquement pour le fait d'élever la parole d'Allah et d'éliminer le kufr de la terre. Le point numéro 3, mashru'iyyatu tansib al-umara'i 'ala al-juyush wa al-saraya. Le fait qu'il est légiféré d'établir des chefs sur les armées et sur les régiments qui sont envoyés. Rabi'an annahu yushra'u liwali al-amr an yusiya al-quwad wa yuwaddih lahum al-khutta allati yasiruna 'alayha fi jihadihim. Quatrièmement, il est légiféré pour le dirigeant des musulmans et le responsable, le président, le chef, peu importe comment on l'appelle, que ce soit le khalifa ou le président ou le sultan ou yani l'amir ou yani l'imam ou bien yani peu importe le chef de l'État, c'est ça qu'on veut dire. Il est légiféré pour lui de donner des conseils et de donner des consignes au chef de son armée, et pour leur clarifier également les lignes qu'ils doivent suivre et les directives qu'ils doivent suivre lorsqu'ils partent pour faire le jihad. Le point numéro 5, أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه. Donc le point numéro 5, c'est qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est que le djihad, il est uniquement avec la permission du dirigeant et selon son exécution à lui. C'est pas n'importe qui décide pour le djihad. Le point numéro 6, mashru'iyyat ad-da'wati ila al-islam qabla al-qital. Le fait qu'il est légiféré de faire la da'wa à l'islam, d'inviter à l'islam avant de commencer le combat. Donc lorsque les armées des musulmans arrivent devant les villes, ils doivent commencer par appeler à l'islam et demander aux gens qu'ils vont affronter d'accepter l'islam avant de combattre. Deuxièmement, c'est le point numéro 7. مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار. Le fait qu'il est légiféré de prendre la jizya de tous les kuffars. Et on sait qu'à ce sujet-là, il y a une divergence. Certains savants disent que la jizya est prise seulement des chrétiens et des juifs. Et certains ont rajouté les majus. Et d'autres, parmi les ulama, ont dit que on prend juste des juifs et des chrétiens. Et des majus, et que les autres, ils n'ont pas droit à payer la jizya, c'est-à-dire ils n'ont que deux choix, le combat ou l'islam. Puis d'autres savants ont expliqué ou ont pris comme position que le djihad, dans le djihad, la jizya c'est pour tous les kuffars et les mouchriquins sans exception, qu'ils soient juifs ou chrétiens ou autres. Et yani, comme on sait, il y a divergence là-dessus. Ensuite, le point numéro 8, an-nahyu 'an qatl as-sibyan, l'interdiction de tuer les enfants. Tuer les enfants et en même temps de tuer tous ceux qui ne sont pas des combattants aussi. Ça c'est très important. Et le point numéro 9, النهي عن التمثيل بالقتل, c'est-à-dire l'interdiction de faire des mutilations sur les corps des morts comme les gens faisaient dans la jahiliya. Ça c'est le point numéro 9. Le point numéro 10, النهي عن الغلول والخيانة في العهود, donc l'interdiction de prendre du butin avant qu'il ait été distribué, et l'interdiction aussi de la trahison dans les ententes, dans les pactes, de trahir ou de manquer à nos engagements, nos ententes. Le point numéro 11, احترام ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم والفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. Le point numéro 11, c'est le fait de respecter l'entente d'Allah et l'entente de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la différence entre ça et entre le fait de respecter l'entente des musulmans. Yani, par rapport au fait que si on n'arrive pas à respecter notre entente, c'est moins grave que si on n'arrivait pas à respecter l'entente d'Allah et de son messager. Dans ce sens-là, c'est par rapport au respect qu'on doit à Allah et à son messager. Ensuite, le point numéro 12. طلب الاحتياط عن الوقوع في المحذور. C'est-à-dire de prendre des précautions par rapport au fait de tomber dans ce qui est interdit. Donc on ne veut pas tomber dans ce qui est interdit, donc on prend des précautions pour éviter ça. C'est-à-dire de tomber dans le péché, de briser l'entente d'Allah ou de faire un jugement qui ne serait pas le jugement d'Allah et de l'attribuer à Allah. Donc pour éviter ça, eh bien on dit, on va donner notre entente, l'entente des musulmans, et on va donner l'entente, on va donner le jugement, notre jugement, notre ijtihad. Le point numéro 13, أن المجتهد يخطي ويصيب والفرق بين حكم الله ou hukm al-ulama. Donc c'est ça la différence entre par rapport au mujtahid, la personne qui fait un ijtihad, qui fait un effort pour arriver à un jugement quelconque. Il peut avoir raison comme il peut se tromper, hein? Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le jugement d'Allah, qui est yani le jugement qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna de façon explicite et claire, et le jugement des ulama qui est basé sur l'ijtihad, qui peut être vrai ou qui peut être erroné. Donc il faut distinguer entre ces deux choses-là. Et le point numéro 14, c'est al-irshad il-artikab aqall al-amrayn khataran. Donc le point numéro 14, c'est le fait de s'orienter vers le fait de faire la chose parmi les deux choses, de choisir celle qui est la moindre en danger. Et le point numéro 15, mashru'iyyat al-ijtihad 'ind al-haja. Le fait qu'il est légiféré de faire l'ijtihad lorsque c'est nécessaire. Donc le point 14, c'est le fait de qu'on est orienté de faire la deux choses, si on a le choix entre deux choses qui sont mauvaises, de faire celle qui est la moins mauvaise entre les deux. Et le point numéro 15, qu'il est légiféré de faire une ijtihad lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on en a besoin. Et ça complète donc le chapitre 63. Et on passe maintenant au chapitre numéro 64. Le titre de ce chapitre, c'est Babun ma ja'a fil iqsami ala Allah. Ma ja'a fil iqsami ala Allah. Et ça signifie quoi? Ça signifie le fait de jurer, yani de jurer pour Allah, hein, de jurer plutôt sur Allah. Ce serait la meilleure traduction. Il y a une différence entre le fait de jurer par Allah et le fait de jurer sur Allah. Jurer par Allah, ça veut dire, hein, je jure par Allah que je vais faire telle ou telle chose ou quelque chose de ce genre. Donc tu jures, c'est de faire un serment normal. Tandis que de jurer sur Allah, c'est autre chose. C'est comme si tu jurais que Allah allait faire quelque chose ou non. Et d'une certaine façon, c'est comme si tu attribuais quelque chose à Allah, une action ou une chose quelconque. Donc on va voir dans les exemples qui sont mentionnés dans le chapitre. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Donc ici c'est rapporté selon Jundub ibn Abdullah qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit par Allah, c'est-à-dire un homme a dit à un autre homme par Allah, Allah ne va pas le pardonner. Ou bien il a dit par Allah, je jure que Allah ne va pas pardonner à un tel. Donc ici il jure par Allah que Allah ne va pas pardonner. Hein? Donc c'est comme s'il jurait sur Allah. Hein? Il jurait sur Allah parce qu'il ne jure pas de quelque chose que lui il va faire ou que lui il ne va pas faire. Il jure sur quelque chose que Allah ne va ou ne va pas faire. Donc c'est comme s'il jurait sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah azza wa jal, il dit, hein, qui est cette personne qui se permet de jurer sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, j'ai pardonné à celui-là et j'ai annulé ton acte, ton œuvre, et j'ai annulé ton œuvre, c'est-à-dire j'ai rendu ton œuvre vaine, tes actions vaines. Hein, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il annule la validité de ses œuvres et il pardonne à celui à celui que l'homme avait juré que Allah n'allait pas le pardonner. Et ça, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne, parce qu'elle, elle a juré sur Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Et il dit fi hadith Abi Huraira anna al-qa'il rajulun 'abid. Et dans le hadith de Abi Huraira au sujet de cette histoire dans le hadith, il y a une autre version du hadith qui est rapportée selon Abi Huraira, et la personne qui avait dit à l'autre que Allah va pas le pardonner, et bien qui avait juré ça, et bien c'était un homme parmi les adorateurs. Et Abu Huraira a dit, radiallahu anhu, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratah. C'est-à-dire que la personne a parlé une parole, ou a dit une parole, qui l'a fait périr dans sa dunya et dans son au-delà. Le hadith en question, qui est rapporté selon Abu Huraira, on le retrouve dans le Sunan de Abu Dawud. Et le hadith est le suivant. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرة وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. Donc ça c'est un hadith très très très fort et très grave en même temps. Qu'est-ce que ça dit? Selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait deux hommes parmi les fils d'Israël qui étaient comme des frères. Un d'entre les deux, il faisait constamment des péchés, tandis que l'autre faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. Et celui qui était faisait des efforts dans l'adoration, il voyait l'autre en train de faire son péché et il lui disait: arrête, arrête de faire le péché, cesse de faire le péché. Et un jour il l'a trouvé en train de faire le même péché, alors il lui a dit: cesse, cesse de faire ce péché. Alors le pécheur, celui qui faisait les péchés, lui a dit: laisse-moi avec mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Et l'autre lui a dit: par Allah, je jure par Allah que Allah ne va pas te pardonner et qu'il ne va pas te faire entrer au paradis. Il a dit: je jure par Allah que Allah ne va pas te pardonner et qu'il ne va pas te faire entrer au paradis. Alors les deux sont morts. L'âme de ces deux hommes a été ramenée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont retrouvés tous les deux devant le Seigneur des mondes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration: est-ce que tu as la connaissance à mon sujet? Où est-ce que tu avais le pouvoir de ce qui est entre mes mains? Et il a dit à celui qui faisait des péchés: va et rentre au paradis par ma miséricorde. Et il a dit à l'autre: prenez-le et amenez-le en enfer. Donc subhanallah, c'est parce que la personne, elle jurait sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait pas pardonner, comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas pardonner cette personne, comme si le péché était trop grand pour que Allah le pardonne, ou des choses de ce genre. Donc ensuite, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il explique maintenant ce hadith dans ce chapitre. il dit مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. Donc le cheikh il dit que pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que le fait de jurer sur Allah, c'est comme si, surtout si on le fait dans le sens de vouloir limiter Allah subhanahu wa ta'ala ou empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire quelque chose, donc dans ce cas-là c'est quelque chose qui vient en opposition et qui nie le tawhid, qui vient en opposition avec le tawhid parce que c'est avoir un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il explique maintenant les termes qui sont dans le hadith. Quand il dit par exemple, ou bien dans le titre en premier, il dit « Ma ja'a fil iqsami ala Allah min al adillati ala tahrimi dhalik » Donc qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de jurer sur Allah, et c'est-à-dire comme preuve de l'interdiction de cela. Et il dit dans le hadith comme c'était mentionné « Man zalladhi » استفهام إنكار يتألى علي أي يحلف والألية بتشديد الياء الحلف. Donc le cheikh explique, il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala demande من الذي أو من ذا الذي, c'est une question pour condamner et dénoncer. يتألى علي, c'est-à-dire qu'il fait des serments sur moi, par-dessus moi. Ahbata amaluka, ou hubitat amaluka, ou ahbattu amaluka, et ahdartuhu. Donc, c'est-à-dire, j'ai annulé complètement tes œuvres. Et l'explication de la parole de Abu Huraira, quand il dit. Il a dit une parole, takallama bi kalima awbaqat dunyahu wa akhiratuhu. C'est-à-dire ahlakat. Awbaqat yani ahlakat. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a complètement annulé ses œuvres et rendu ses œuvres vaines à cause de cette parole seulement. C'est pour montrer que c'est tellement grave qu'est-ce qu'il a dit. Le cheikh explique le sens général du hadith. Il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن الله لا يغفر لرجل مذنب فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة والحظ والمكانة ولذلك المذنب من الإهانة وهذا إدلال على الله وسوء أدب معه أوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. Le cheikh il explique le sens général du hadith. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit pour nous mettre en garde du danger de la langue, c'est-à-dire du danger des péchés qu'on peut faire avec notre langue, qui parfois sont des péchés vraiment faciles à faire parce que on les prend à la légère puisque c'est tellement facile de parler. On dit des choses parfois et puis on réalise pas le danger de ce qu'on dit et puis ça peut nous amener malheureusement à tomber dans des choses très très graves, surtout quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il dit qu'un homme a juré que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas pardonner un tel parmi les pécheurs, un individu quelconque parmi les pécheurs, et c'est comme s'il avait jugé sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou par-dessus Allah. C'est comme si, en fait, il se plaçait au-dessus d'Allah pour décider pour Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah doit pardonner et qui il ne doit pas pardonner. Comme s'il veut se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et il dit, je jure par Allah que Allah ne va pas te pardonner. Qui est-il pour décider de qui Allah va pardonner et de qui il ne va pas pardonner? hein, et qui lui a donné cette connaissance, hein, que Allah allait pardonner ou ne pas le pardonner, hein. Donc ça, c'est, il a dépassé sa limite. Et c'est pour ça que dans l'autre narration ou dans l'autre version de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Akunta bi alima, hein? Il lui a dit, est-ce que tu avais la connaissance, hein, de qu'est-ce qui a rapport avec ce que je fais et ce que je décide? Ou bien tu avais le pouvoir de ce qui est entre mes mains, c'est toi qui décides, hein? Donc c'est ça al-iqsam ala Allah. C'est quelqu'un, en fait, il se met au-dessus d'Allah pour décider, pour essayer de décider pour Allah. Et c'est très grave en réalité. Et c'est comme si, le cheikh explique ensuite, c'est comme si en fait, il veut se mettre au-dessus d'Allah dans son jugement et limiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait et dans ce qu'il ne fait pas. Et il dit, et lorsque la personne qui a dit cette parole, qui a fait ce serment au-dessus d'Allah, c'est parce qu'elle pense elle-même qu'elle est, elle a un niveau de noblesse auprès d'Allah et une grande part et un statut important auprès d'Allah. Et il pense également que cette personne qui commet des péchés est tellement rabaissée et tellement humiliée qu'elle ne mérite rien ou qu'elle ne sera jamais pardonnée. Et c'est un mauvais comportement de penser de cette façon-là, de penser qu'on a tellement de noblesse auprès d'Allah et qu'on est tellement proche d'Allah nous-mêmes, hein, et que les autres autour de nous qui commettent des péchés parfois, qu'eux ils sont tellement bas, comme si Allah ne pouvait pas les pardonner. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève qui il veut, qui rabaisse qui il veut, hein. Et si quelqu'un est dans l'adoration, eh bien il doit être humble, il doit réaliser que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et que c'est quelque chose qui doit le rendre humble et qui doit le rendre modeste et en même temps qui doit le rendre pieux, qui doit le faire réaliser que de la même manière qu'il y a des gens qui sont pécheurs aujourd'hui, eh bien il doit remercier Allah et continuer, hein, et appeler les autres, hein, à être dans l'obéissance d'Allah, et que s'il y a des pécheurs qui font des péchés, eh bien il faut les appeler à obéir à Allah, mais pas de faire des jugements ou des serments au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les personnes en disant vous allez être dans l'enfer, hein, vous allez être comme ci ou comme ça. Ça c'est en dehors de notre pouvoir. Peut-être que la personne aujourd'hui elle est pécheur, Allah va la guider et va la pardonner et va rendre cette personne-là meilleure que nous, hein, meilleur que beaucoup d'autres personnes. Donc c'est pour cette raison-là que il faut pas se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement, hein. Nous aujourd'hui on est sur l'obéissance d'Allah, et bien on doit être reconnaissant. Peut-être que si on commet des erreurs comme ce genre d'erreur-là, et bien on risque de tomber dans l'erreur, et justement à cause de ça, Allah nous met dans l'enfer, comme il a mis cette personne-là dans l'enfer. Lui, il pensait finir au paradis, et il pensait que l'autre allait finir en enfer. Finalement, c'est lui qui finit en enfer, et l'autre qui rentre au paradis. Donc, c'est très grave, ces choses-là, hein. Et c'est un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose qui a donc fait en sorte que par la suite, cet homme finisse mal, hein. Et il a été malheureux dans cette dunya et dans l'au-delà à cause de ça. Donc c'est très grave. Wa munasabatu al-hadith lil bab annahu yadullu ala tahrim al-iqsam ala Allah ala wajh al-hijr wa ala wajh al-hijr ala Allah wal-i'jab bin-nafs wa dhalika naqs fi at-tawhid. Donc le cheikh explique ici que pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que il y a dans ce hadith l'interdiction de jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si c'est par exemple avec une bonne pensée et que tu veux faire le bien. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est de jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala ou par-dessus Allah dans le but de limiter Allah, ou bien parce qu'on se pense tellement bon nous-mêmes, on est ébloui par notre propre personne, et donc on jure par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala pour limiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions ou dans ses jugements. Et ça, c'est quelque chose qui vient en opposition et qui diminue le tawhid. Tandis que si c'est avec une bonne pensée, eh bien dans ce cas-là, ça peut être permis dans certains cas, comme par exemple le fait que lorsque quelqu'un qui est pieux demande ou jure par Allah subhanahu wa ta'ala que telle bonne chose va se passer ou qu'il va y avoir telle ou telle chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, pour honorer cette personne et pour montrer le bien de cette personne, Allah peut justement faire en sorte que ce qu'elle a fait comme serment s'exauce et se produise réellement. Et il y a des preuves de ça dans certains hadiths, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement a dit, il y a des personnes qui sont, quand tu les vois, ils sont pauvres, ils sont pleins de poussière. S'ils frappent aux portes, on ne va pas les laisser rentrer, on les repousse dans les portes. Mais s'ils jurent par Allah, et s'ils jurent sur Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala les aurait exaucés. Law aqsama 'ala Allah la abarra. Donc ça, c'est la preuve que certes, dans des cas où la personne fait des serments sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans certains cas, yani c'est permis si c'est basé sur une bonne pensée et d'avoir l'espoir du bien, ça c'est correct. Mais si c'est fait dans le but de limiter Allah subhanahu wa ta'ala et de s'élever au-dessus d'Allah et de se penser soi-même tellement pieux et tellement bien que on a la possibilité de décider qui va être au paradis et qui est en enfer, des choses comme ça, là dans ce cas-là, c'est pas permis. Et le cheikh il dit: وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتأميل الخير منه. Donc, l'interdiction de jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si c'est fait avec une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera du bien. Et deuxièmement, wujub husn al-adab ma Allah. Donc l'obligation d'avoir un bon comportement et des bonnes manières envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, quand ils parlent des bonnes manières et du bon comportement, ils pensent souvent au bon comportement envers les êtres humains, envers les personnes. Et ils oublient souvent le bon comportement envers Allah et envers sa sharia et envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est très important aussi. Et le point numéro 3, shiddatu khatar al-lisan wa wujub hifzihi. Le grand danger de la langue, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver avec la langue comme péché, et l'obligation de préserver notre langue contre les péchés et les transgressions. Okay. Ensuite, le chapitre numéro 65. Le chapitre numéro 65. Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ça, c'est le chapitre 65. C'est-à-dire, on ne va pas prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire pour aller à sa création, pour demander à sa création. On ne prend pas Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire pour aller à sa création. C'est quelque chose qui rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça. Puisque, en général, on prend un intermédiaire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, par exemple, lorsque on connaît quelqu'un qui est une personne pieuse, par exemple, qui est vivante, et comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était encore en vie, les sahaba allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour eux. Hein? Ou bien au jour de la résurrection aussi, les croyants vont intercéder, hein, en demandant au prophète, hein, d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Au jour de la résurrection, ce sera permis. Et donc, on ne va pas demander à Allah pour qu'il intercède pour nous auprès d'une de ses créatures. Hein? On va demander à une créature, au jour de la résurrection, d'intercéder pour nous. Hein? Et ainsi de suite. Donc, on va lire le chapitre pour comprendre un peu plus qu'est-ce que ça signifie, ça. Le cheikh il dit, « An Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, قال, « Ja'a a'rabiyun » إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث ورواه أبو داود. Donc يعني c'est un hadith qui a porté selon Abu Dawood. Et c'est selon Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, il dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au messager d'Allah, yani, nuhikat al-anfus, yani, les gens sont devenus faibles. Les gens sont devenus faibles. Et les enfants ont faim. Et les biens qu'on a commencent à périr. Alors, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber la pluie pour nous. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ton intercession, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède auprès de toi. Donc, nous demandons ton intercession auprès d'Allah, et nous demandons à Allah d'intercéder auprès de toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu le bédouin dire ça, il a dit subhanallah, subhanallah, et il a continué à dire subhanallah tellement de fois que yani, on a vu un changement même dans le visage des sahaba quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à répéter subhanallah, subhanallah, subhanallah, comme s'ils ont compris que c'était quelque chose de grave. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à toi, est-ce que tu ne sais-tu pas qui est Allah? Ne sais-tu pas qui est Allah? Hein? Comme si on voulait dire, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas n'importe qui, hein? C'est pas n'importe qui. Et le respect et la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus grande que ça. Et on ne peut pas prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire pour intercéder auprès d'aucune d'entre ces créature, hein? En voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala est trop grand pour qu'il soit pris comme un intermédiaire pour une de ses créatures, pour demander à une de ses créatures, hein? C'est le contraire qui est permis, puisque quand on demande une intercession, on passe par quelqu'un qui est petit pour aller vers le plus grand, et on ne passe pas par le plus grand pour aller vers le plus petit. Donc quand on demande l'intercession d'Allah pour demander à une créature, c'est comme si on était en train de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre la créature au-dessus de lui. Et c'est pour ça que c'est interdit de faire ça. Et le cheikh explique, il dit « Wa munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid bayanu tahrim al-istishfa'i billahi ala khalqihi li annahu hadmun lil-rububiyya wa qadhun في توحيد العبد لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه والله تعالى منزه عن ذلك لأنه لا أحد أعلى منه. Donc, le Cheikh explique pourquoi on place ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. C'est pour expliquer et clarifier l'interdiction de demander l'intercession d'Allah pour passer à une de ses créatures ou pour demander à une de ses créatures, parce que c'est quelque chose qui vient détruire la rububiyya et qui est quelque chose qui vient annuler ou qui vient créer une défaillance dans le tawhid du serviteur, parce que la personne qui intercède elle intercède toujours auprès de quelqu'un qui est plus haut que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est donc, doit être purifié de ce genre de choses, parce que personne n'est plus élevé que Allah. Donc on ne peut pas passer par Allah pour aller à une créature. Ça voudrait dire qu'on met cette créature-là au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est donc quelque chose qui vient créer une faille dans le tawhid de dire des choses comme ça. Et At-Tarajum, la biographie du narrateur qui est mentionné dans ce hadith, c'est Jubayr ibn Mut'im, ibn Adi, ibn Nawfil, ibn Abd Manaf al-Qurashi. وكان من أكابر قريش أسلم قبل الفتح ومات سنة 57 هجريا رضي الله عنه. Donc Jubayr ibn Mut'im, il mentionne cette histoire. Et Jubayr ibn Mut'im, c'est Jubayr ibn Mut'im ibn Adi, il fait partie des grands de Quraysh. Et il s'est converti un peu avant la conquête de la Mecque. Il est mort en l'an 57 après la Hijra, radiyallahu anhu. Donc dans le hadith, on entend les mots comme Nuhikat. نهكت الأموال بضم النون أي جهدت وضعفت. Ça veut dire affaibli, qui a été affaibli. Et فاستسقي لنا ربك أي اسأله أن يسقينا بأن ينزل المطر. C'est-à-dire فاستسقي لنا ربك, demande à ton Seigneur pour qu'il fasse tomber la pluie, c'est-à-dire pour qu'il nous abreuve par la pluie. نستشفع بالله عليك نجعله واسطة إليك, c'est-à-dire on prend Allah puis on en fait un intermédiaire pour venir vers toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fâché quand il a entendu ça, et il a dit subhanallah, parce que c'était comme si on était en train de mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme s'il fallait passer par Allah pour aller au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'était une grave insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite subhanallah, subhanallah ay tanzihan amma la yaliqu bihi. Donc on dit subhanallah pour purifier Allah de ce qui ne lui est pas convenable. Et il dit ensuite wa 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. أي عرف الغضب فيها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire les sahabas ont vu dans le visage du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont vu la colère, et donc ils ont eux-mêmes, on a vu même cette colère-là apparaître dans le visage de ses compagnons par la suite. Et il a dit ويحك, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ويحك كلمة تقال للزجر. Donc c'est une parole qu'on dit ويحك, c'est quand on veut blâmer quelqu'un ou réprimander quelqu'un, on dit ويحك, malheur à toi. أتدري ما الله إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله جل وعلا. Donc c'est comme si il dit est-ce que tu sais pas qui est Allah, c'est comme si il est en train de lui indiquer à quel point il a peu de connaissance de la grandeur d'Allah عز وجل. Et donc le sens général du hadith, le cheikh il dit معنى الإجمال للحديث يذكر هذا الصحابي أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل عليهم، لكنه أساء الأدب مع الله حيث استشفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل منه بحق الله، لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونزه ربه عن هذا التنقص، ولم ينكر عليه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه إياه. Donc le cheikh explique que de façon ici de façon générale le hadith signifie que il y a la mention que un sahabi parmi les gens du désert, c'est-à-dire les bédouins, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit il s'est plaint donc de qu'est-ce que les gens avaient besoin comme par exemple comme pluie, que les gens avaient besoin de pluie parce qu'il y avait la pauvreté, la sécheresse qui commençait à s'installer. Et donc il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à son Seigneur de faire tomber la pluie sur eux. Mais il a manqué de bonne manière dans sa façon de demander à propos de la pluie. Il a manqué des bonnes manières envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a pris Allah subhanahu wa ta'ala comme un intermédiaire pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est à cause de son ignorance du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'intercession en général ça se fait du petit vers le grand, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné et dénoncé la parole de ce bédouin quand il a dit cette chose là puisque ça impliquait que Allah était en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit subhanallah, et il a purifié Allah subhanahu wa ta'ala de cette imperfection ou de ce rabaissement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné le fait qu'il ait pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire auprès d'Allah, parce que dans ce cas-là c'est permis. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, d'intercéder auprès d'Allah pour lui, c'est-à-dire de faire une invocation, de demander à Allah, hein, pour lui. Et donc ça c'est permis. Mais pas comme qu'est-ce que font les gens de bid'a aujourd'hui parmi les soufis et parmi les gens qui yani, connaissent pas l'islam comme ils connaissent pas la sunna, l'exemple des salafs. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par son statut, ou par son degré. Et ils disent que ça s'appelle at-tawassul. Et bien entendu, ça fait pas partie du tawassul qui est légiféré, et c'est pas permis. Et ça rentre dans l'innovation. Ça rentre dans l'innovation, dans la bid'a. C'est pas un shirk majeur, c'est un shirk asrar, c'est un shirk mineur, puisque c'est un moyen qui peut amener les gens à tomber dans le shirk par la suite. Donc c'est quelque chose qui est interdit de demander à Allah par le prophète ou par son statut ou par son degré, hein, ça c'est quelque chose qui est interdit, puisque les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont pour lui, parce que lui il a fait des actions qui lui ont mérité ce degré et ce statut. Et donc toi tu peux pas demander par son degré à lui, hein, puisque toi, t'as rien à voir avec ce degré-là. Mais tu peux demander, hein, par une action que toi tu as fait, hein, ou par quelque chose que toi tu as fait de bien, comme c'est mentionné dans la Sunna, ou bien de demander à Allah par les noms d'Allah, hein, et par ses attributs, ça c'est permis, comme c'est mentionné dans les hadiths. Hein? Et tu peux demander également à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un homme pieux ou par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant, hein? Mais pas après sa mort. Et une des erreurs des soufis aujourd'hui à notre époque, c'est de vouloir nier la distinction entre le vivant et le mort dans ces questions-là. Souvent tu les entends dire que non, il n'y a pas de différence de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était en vie et de demander aujourd'hui alors qu'il est vivant dans, alors qu'il est mort dans sa tombe. Pourquoi? Parce que pour eux, ils prétendent que, étant donné que le prophète il est vivant dans sa tombe, que dans ce cas-là, on peut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va nous exaucer, ou il va nous répondre. Et ça, c'est du shirk akbar, hein, de demander à un mort, hein, de faire des invocations pour nous ou des choses comme ça pour nous. Ça, ça rentre dans le shirk majeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on dit qu'il est vivant dans sa tombe, comme les martyrs ont dit qu'ils sont vivants dans leur tombe et qu'ils ne sont pas morts, les prophètes sont vivants dans leur tombe, mais c'est une vie qui n'est pas comme cette vie d'ici-bas. C'est une vie qui est une vie spécifique qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya, la vie du barzakh, la vie qui est une vie dans la période intermédiaire entre cette dunya et la résurrection. Et bien entendu, dans cette période-là, eh bien, les hommes qui sont en attente du jugement dernier ne peuvent rien faire, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Hein? Et même si on dit, comme par exemple c'est mentionné dans les hadiths authentiques, que lorsque quelqu'un envoie le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui lui transmet, et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui remet son âme pour qu'il renvoie le salam à cette personne-là, eh bien ça, ça se limite au salam. C'est pas général que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui demandes n'importe quoi, il va te répondre, ou bien il va te donner qu'est-ce que tu lui demandes. Ça, ça rentre dans le shirk. Hein? Et il y en a qui font ça même avec ceux qu'ils appellent des awliya, hein, des saints, qui sont morts dans leur tombe, ils les invoquent, ils leur demandent des bénédictions ou des choses, et ils pensent que ces personnes vont les exaucer alors qu'ils sont morts dans leur tombe. Alors ça, c'est, hein, ça rentre dans le shirk akbar, le shirk majeur, qui fait sortir de l'islam. Donc il ne faut pas mélanger les notions. Eux, les soufis, ils parlent de ça, ils mélangent le fait de faire al-istiratha et le fait de faire le tawassul, hein, ils mélangent ça avec, hein, le fait d'invoquer les morts et demander aux morts, et ainsi de suite, ou bien de demander par leur statut ou par leur degré, ou ainsi de suite. Et ça, c'est des choses, hein, c'est comme j'ai dit, c'est une bid'a. Et c'est quelque chose qui est contraire à l'exemple de ce que faisaient les sahaba et ainsi de suite. Donc il ne faut pas se tromper à ce sujet-là. Et ils, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramener des hadiths qui sont faibles pour essayer de justifier ces choses-là, pour dire, mais ce n'est pas interdit puisque ça a été fait. Hein? Sauf que ces hadiths-là, souvent, c'est des hadiths faibles. Et des fois, c'est des hadiths authentiques, mais dont ils ont déformé le sens. Ils l'interprètent incorrectement. Comme par exemple le hadith de l'homme aveugle, hein, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour lui, pour que Allah lui rende la vue. Donc ça, c'est un exemple d'un hadith où l'homme était en train de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour lui. Hein? Et l'homme a fait un dua, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a fait un dua pour lui. Et eux, ils essaient d'interpréter ce hadith-là pour dire que, yani, c'était une intercession ou un appel que l'homme a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, yani, c'est pas ça la signification du hadith. Sinon, tous les aveugles aujourd'hui, hein, qui feraient ça, ils pourraient retrouver leur vue. Non, c'est particulier. Hein, il faut comprendre que c'était limité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on en reparlera, inshallah, dans d'autres occasions, de toute façon, ce hadith. Et Cheikh Al-Albani, il a parlé de ce hadith-là dans son livre sur le tawassul. Et puis, d'autres shuyukh aussi ont parlé de ce hadith-là, ils l'ont clarifié. Donc, c'est très important de comprendre donc cette chose-là pour ne pas se faire tromper, et pour qu'on sache que le tawassul, yani, ça ne veut pas dire d'invoquer les morts ou de demander par leur statut ou des choses de ce genre. Ensuite, ici, il dit « Munasabat al-hadith al-bab annahu yadullu ala tahrim al-istishfa'i billah ala ahadin min khalqihi li annahu tanakkusun yunazzahu allahu anhu » Donc, le cheikh, il dit ici que ce hadith-là, dans ce chapitre, il indique l'interdiction de prendre Allah comme intermédiaire pour aller à une de ses créatures. Parce que c'est comme si on était en train de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah doit être donc purifié de ce genre de choses. Et les points bénéfiques qui peuvent être tirés de ce hadith. Premièrement, تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لما في ذلك من التنقص لله تعالى. Donc premièrement, l'interdiction de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire pour aller à une de ses créatures, parce que c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, تنزيه الله عما لا يليق به. Donc il faut purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui n'est pas convenable pour lui. Comme imperfection ou comme défaut ou des choses de ce genre. Le point numéro 3, inkarul munkar wa ta'limul jahil. Donc on voit dans ce hadith là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé et condamné le mal et qu'il a enseigné à la personne ignorante lorsqu'elle a fait quelque chose d'incorrect. Le point numéro 4, جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يطلب منه وأن يدعو الله في قضاء حاجة المحتاج لأنه مستجاب الدعوة. أما بعد موته فلا يطلب منه ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. Ça, c'est le point que j'ai parlé tout à l'heure. Il est permis de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire pour demander à Allah durant sa vie. C'est-à-dire de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en vie, pour qu'il fasse un dua et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a un besoin quelconque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mustajab al-da'wa, c'est-à-dire que quand il invoquait, il était exaucé. Mais après sa mort, eh bien, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit, parce que les sahaba ne faisaient pas cela, parce que ça rentre dans le shirk, ça rentre dans le shirk majeur de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et le point numéro 5, التعليم بطريقة السؤال لأنه أوقع في النفس. Le point numéro 5, il y a la question, le fait de d'enseigner par la question, le fait de questionner ou de poser des questions pour enseigner à la personne. Pourquoi? Parce que c'est cette façon là elle fait en sorte que la connaissance reste mieux enregistrée dans l'esprit et dans le cœur de la personne. Donc ça, c'est ce qui vient compléter le chapitre 65. Et donc on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on continuera au chapitre 66, inshallah, et 67, qui sont les deux derniers chapitres du livre. Et on va essayer peut-être de compléter le livre Kitab Tawhid, le Sharh, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, ça devrait être le dernier cours pour le cours de Kitab Tawhid, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, pour aujourd'hui, et puis on continuera, bi'idhnillah, Inch'Allah, la semaine prochaine. Samedi prochain, il y aura probablement un nouveau livre qu'on va commencer. Je n'ai pas encore décidé le sujet exact, mais il se pourrait que ce soit au sujet de Al-Wala wal-Bara. Peut-être que ça va être au sujet de Al-Wala wal-Bara. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.